TV. Va me demander. Hey yo, c'est Mouchka, on représente pour tous mes gars. La Vendée, 8-5, la Pampa. On parle pas d'amour mais de guerre. Et tu si triste de vivre sur terre. On s'entretue entre frères. Nos proches le risque, les cimetières. Encore trop de familles qui galèrent. Trop de peuples dans la misère. Pour tous la même issue au final. Que tu parles d'un accident ou fumé par une balle. Que tu sois repu ou t'es la dalle. Que tu sois un mec calme ou un vandale. Que tu passes ta vie ou pas sur macadam. On finira tous sous une pierre tombale. Ils ont manipulé la masse avec des stéréotypes du Hamas. Israël a bombardé l'ONU. Donc pour l'aide humanitaire c'est foutu. Des enfants crèvent de faim, de froid. Comme des glodons en bas de chez moi. Eh petit gars, qu'est-ce que tu crois? On n'est pas tous sur la pampa. Yo, comme partout, y'a des hauts, des bas. Des discussions qui font des poids. Les jeunes en merde d'état. Rarement en accord avec les remparts. Certains rêvent de cache-bras, d'autres investissent dans le rap. Jeunes du monde, lève le bras, continue le combat. Faut pas lâcher l'affaire, mais s'unir entre frères. On veut la paix, pas la guerre. Pour tous les peuples de la terre. Il est temps de poser les armes, ils ont déjà fait couler trop de larmes. Ma plume est en deuil, y'a la vie sur mon œil. La gosse dans un cercueil, j'écris mes plaies sur feuille.